Vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour, bienvenue à cette émission classique. En ce vendredi 4 septembre 2015, je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 8 prochaines heures, en compagnie de mon ami, le très dynamique mais de plus en plus sénile, Dr. Pendragon. Bonjour, docteur. Ah! Hey, rock master, do you want to rock? Ouais. Enfin, chers auditeurs qui nous écoutez à travers le monde entier, votre carence en rock sera chose du passé, puisque nous sommes de retour encore plus rock que jamais. Du moins en ce qui me concerne, parce que Rockmaster, pour sa part, vous a préparé une sélection de retours pour le moins des plus étranges et troublantes, avec entre autres, Chris de Burgh, Cindy Lauper, Sandra Dorion et Nuance, Roxette, Air Supply, Alain Chamfort, Wham, Culture Club, All In Oates, Martin Stevens, Love is in the Air, Patoff et Monsieur Tranquille, Diane Dell, Me Nothing, Cashtin, Lionel Richie et en sauce pour accompagner le tout, Mini Vanilli pour ne nommer que ceux-là. Oh, mais mes tout petits, n'écoutez pas ça. Bon, ok. J'avoue que pour Mini Vanilli, c'est pas vrai. Mais par contre, les meilleures blagues de Réal Giguère s'ajoutent à sa liste. Soyez donc avisés que cette édition de Rock Classique sera hautement stridente. Donc, comme le docteur l'a dit, de retour comme ça, après un mois de vacances, plus d'un mois dans le cas du docteur, le docteur qui a passé les dernières semaines à se prélasser dans une île paradisiaque du sud du Pacifique, couché sur le bord d'un volcan, comme ça, qui lui a permis d'obtenir un teint bronzé des plus impressionnants, très cuivré, mais légèrement calciné, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est la nouvelle mode dans ces îles, le teint calciné, et je dois ajouter à ça que j'ai passé de très belles vacances à discuter avec Elvis au bord de la plage. Et là, comme le docteur l'a dit, nous sommes prêts, nous sommes gonflés à bloc pour notre retour, tellement que l'émission d'aujourd'hui va être passablement prolongée, puisque, exceptionnellement, nous allons nous rendre jusqu'au baseball. Jusqu'à la diffusion du dernier match local des Aigles de Trois-Rivières, c'est-à-dire jusqu'à 7h-10, 18h50. Et comme d'habitude, le docteur et moi, nous vous avons préparé l'émission de vrai rock la plus éclatée, la plus éclectique des ondes, avec des formations telles Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, ouais. Black Sabbath, bien sûr. The Who, ouais. Faces, yeah. ZZ Top, oh. Steel Panther, okay. Aerosmith, yeah. Van Halen, AC/DC, ouais. Steve Miller, okay. Mountain, yeah. Procol Harum, bien sûr. Dio, oui. Judas Priest, aussi. Et bien sûr, Kiss et Black Oak Arkansas. Mais non, c'était pas vrai qu'on allait passer du Alain Chamfort et du... Moi non, toi oui. Quelle horreur! Effectivement! Le docteur et moi avons aussi quelques nouveautés à vous proposer, comme les nouveaux albums de Ghost, oui. Motorhead, mm-hmm. Pentagram, mm-hmm. Aggression, yep. Ecstatic Vision, mm-hmm. et surtout le tout nouvel opus de Iron Maiden, mm-hmm. Book of Souls, qui est sorti aujourd'hui même. Oui, et que je vais découvrir en même temps que ta présentation. Oui, parce qu'on ne l'a pas écouté encore. Pas du tout! Donc, c'est une surprise. Je vais vous présenter une face complète de non pas un, mais bien deux albums vinyles classiques, soit Ghost Reveries, de Opeth, qui est paru il y a 10 ans. Excellent. Exactement. Et Highway 61 Revisited de Bob Dylan, qui est sorti il y a exactement 50 ans. Qui? Vas-y. Bob Dylan. Tu le dis tellement bien. Oui. Dans la première heure, nous aurons notre segment traditionnel qui fait place à l'histoire, soit les éphémérides, les nouvelles du rock, ainsi que la chronique des groupes obscurs. Et un peu plus tard, nous allons vous présenter la Belle seule et unique capsule. Ça passe ou ça casse. Donc, encore une fois, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Oh yeah! Question de débuter en force et de se mettre dans le bain pour les éphémérides. Je vous propose tout de suite un des gros canons des années 60 et une des pièces estivales les plus célébrées de tous les temps, qui est paru en 45 tours à l'origine à l'été 1968. Un des plus chauds et des plus tumultueux de l'histoire, rempli de révoltes et d'émeutes, hein? Ouais! Street Fighting Man, des Rolling Stones, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Ici, assez beau. Yeah! Stones avec leur immense classique Street Fighting Man, pièce tout à fait éloquente des événements du printemps et de l'été 1968 en France, remplie de contestations, de revendications des jeunes envers l'establishment et même d'émeutes. Hein? Street Fighting Man s'est inspiré à Mick Jagger par rapport aux événements de mai 68, hein, quand les jeunes étudiants français ont pris la rue et ont menacé l'establishment et l'ordre établi. Il s'est dit beaucoup de gros mots aussi. Oui. Il s'est sorti en 45 tours cette pièce cet été-là, ce qui en a fait la trame sonore idéale. Par la suite, on l'a ajouté à l'album Beggar's Banquet, qui est sorti un peu plus tard dans l'année. On se recette, évidemment, comme le veut la tradition. C'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, dans la journée du 4 septembre? Tu vas nous le dire. Plein de choses, docteur. D'abord, en 1962, les Beatles enregistraient pour la première fois pour l'étiquette EMI au St. John's Studio. Ils ont enregistré 6 chansons, dont Love Me Do et P.S. I Love You. Et le producteur George Martin leur a fait reprendre Love Me Do 16 fois. Ben, pour quelle raison? Ils trouvaient que c'était pas les correct. Les 15 premières fois, t'es mauvaise. à son goût à lui. Je pense que c'était Pete Best qui était à la batterie à ce moment-là. Bon, OK. Ouais. Fait que ça peut expliquer certaines choses. Oui. Et parce que George Martin avait prévu pour l'enregistrement de leur premier 45 tours de... il avait fait venir un batteur de session. Oui, je me rappelle d'avoir lu ça. Sauf qu'il avait, il savait pas que Ringo avait été, avait pris la place de Pete Best à ce moment-là. Bon, il y avait des petits secrets qui n'étaient pas encore dévoilés au sein du band. En 1965, les Beatles étaient au numéro 1 du palmarès américain, soit 3 ans plus tard avec Help, alors que Bob Dylan, lui, était au numéro 2 avec Bob Like Dylan. A Rolling Stone. Hein? C'était une belle époque, ça. Help, numéro 1, Like a Rolling Stone, numéro 2. Et cet après-midi, je vais présenter une face complète de l'album duquel c'est tiré. Et on va l'entendre. En 1965, toujours en 1965, les Who se font voler leur camion de transport et 5000 livres d'équipement et d'instruments de musique pendant qu'ils se trouvaient dans une fourrière de Londres, la Battersea Dogs Home. Ironiquement, ils se trouvaient là pour s'acheter un chien de garde. Incroyable! Ah, c'est pas, c'est pas les seuls à qui c'est arrivé. Non, là. Mais imagine, là, en 1965, là, 5000 livres d'équipement. C'est énorme, là. C'était, c'était une fortune. Tout là. À fait. En 1968, la pièce Street Fighting Man, qu'on vient d'entendre, pièce des Stones, est bannie de Chicago suite aux actes de violence causés par les manifestants pendant la convention démocrate survenue le 28 août. Les autorités avaient peur que cette chanson incite les jeunes à la révolte, à l'émeute et autres formes de désordre public. C'est complètement ridicule, hein? Bon, les craintes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein? En 1969, c'était la naissance de Dweezil Zappa, hein, celui qui perpétue qui dirais, la tradition musicale, oui. Qui rend hommage à son père tout à fait. Et à son génie depuis de nombreuses années. Je serais curieux de le voir, moi. Oui, j'ai jamais eu la chance de le voir et c'est quelque chose que c'est un projet que j'ai. Ben écoute, honnêtement, je n'ai lu que de bonnes critiques au sujet de ce qu'il fait. Oui. Ouais, semble-t-il que c'est vraiment un bel hommage qu'il fait. Ça s'appelle Zappa Plays Zappa. En 1970, George Harrison lançait My Sweet Lord, qu'on va entendre dans un moment. Immense succès, hein? Mais qui a été considéré comme un plagiat. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il l'a admis aussi. Hein? Non, il ne l'a pas admis, mais il a perdu en cours. Ah, OK, c'est ça, il a perdu en cours. Oui. En 1972, un employé d'une concession de nourriture est assassiné par un spectateur pendant un concert de Wishbone Ash au Texas parce qu'il avait refusé de lui offrir un sandwich gratuitement. Bon, écoute, il y a des risques à faire l'épicerie, hein? Ça, c'est de l'insolite, vraiment. Hein? Ouais. En 1973, Marvin Gaye est au numéro 1 du palmarès avec Let's Get It On. Eh oui, classique du R&B. En 1986, Greg Allman est arrêté pour conduite en état d'ébriété. Il venait à peine de récupérer son permis de conduire après une suspension de 5 ans pour les mêmes raisons. Ça allait pas bien pour Greg Allman. Ouais, il était indomptable. Ben, il en a payé le prix par la suite. Tout à fait. On a même dû lui transplanter une autre fois. Oui, effectivement, c'est vrai. Dans les années 90. En 2008, une vente aux enchères très intéressante a eu lieu à Londres, alors que la première guitare brûlée sur scène par Jimi Hendrix a été vendue pour 280 000 livres. Et c'est énorme, là. C'est gigantesque. En quelle année, tu dis? En 2008. C'est beaucoup d'argent. C'est incroyable pour une guitare, là. Qui doit plus fonctionner en plus, Je sais pas, ça n'a pas été retapé parce que, une des guitares avec laquelle, en fait, c'était la guitare préférée de Frank Zappa. Elle lui avait été offerte par Jimi Hendrix et il l'avait brûlée, celle-là. Ah donc, oui? Elle était complètement retapée, là. Okay. Alors, je sais pas si la vente, la guitare qui était mise en vente à Londres, ça avait subi le même sort. Ouais. Pendant ce temps-là, pendant la même vente, le premier contrat de management entre les Beatles et Brian Epstein avait obtenu, ça aussi, là, c'est un bout de papier, ça, c'est incroyable, 240 000 livres. Mais il y a des collectionneurs qui sont, je dirais, richissimes au départ, mais qui n'ont pas non plus nécessairement... Bon, écoute, la collection, c'est une maladie, on le conçoit bien, là. Mais ça manque peut-être un petit peu de jugement aussi. Ouais, de toute façon, c'est quelque chose qui devrait être dans un musée à l'Evergreen, quant à moi. J'ai des détails ici par rapport à la guitare en question. Là. Elle avait été immolée par le feu lors d'un concert du Experience au Finsbury Park Astoria, au nord de Londres, en 1967. Donc, c'est la première guitare qui l'a brûlée. Bon. Et c'est ce qui complète les éphémérides du 4 septembre. Nous allons aller en musique avec avec la pièce que je vous annonçais tout à l'heure de George Harrison, qui dans le fond ça a été reconnu comme un plagiat de He's So Fine des Shirelles and My Sweet Lord. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! Yeah! George Harrison! Et même si vous n'avez jamais entendu cette pièce-là auparavant, là, vous pouvez être, vous avez sûrement deviné que ça s'appelle My Sweet Lord, hein? Ah, pas moi. Tu pensais que ça s'appelait comment? La la la la. Je connais pas de pièce qui s'appelle la la la la. Non? Non. Ben, ça serait une première. C'est ouais, l'album triple All Things Must Pass de 1970. Effectivement, c'est assez simple de savoir quel est le titre. C'est évident. Il doit le dire au moins 50 fois. 11h18, nous sommes maintenant venus à ce segment de l'émission consacré aux actualités. Et voici maintenant les nouvelles du rock. Il semble que la fin tant redoutée depuis plusieurs années par les fans de Motorhead est maintenant arrivée. En effet, le légendaire et autrefois renommé comme absolument indestructible bassiste-chanteur du groupe Lemmy Kilmister est arrivé au bout de son rouleau après avoir défié comme ça pendant de nombreuses années la science médicale et les pronostics en vivant à fond le train de vie, le mode de vie, sex, drugs and rock and roll, fumant comme une cheminée, consommant des litres de whisky chaque semaine. On parle d'un 26 onces de Jack Daniels de tous les jours, en plus d'une vie sexuelle extrêmement active, lui qui n'a jamais eu de blonde stédée. Hein. On parle de plus de 1000 partenaires sexuels depuis 45 ans, tout ça arrosé de bière, de bourbon, de vodka, de pot et de speed. La semaine dernière, Lemmy a dû mettre fin à un concert à Salt Lake City après seulement 4 morceaux. On a mis ça sur la faute de la très haute altitude à laquelle la ville est située dans les Rocheuses et on a annulé le spectacle de Denver du lendemain soir, ce qui pouvait se tenir compte tenu des récents ennuis de Lemmy depuis qu'on lui a installé un défibrillateur. Il semble qu'il y avait de la difficulté à respirer. Denver se trouve à 5300 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait que l'oxygène est plus rare et qu'il est difficile de respirer. Ça se tenait jusque-là. Mais mardi dernier, Lemmy a encore une fois mis fin à un concert, cette fois-là à Austin, au Texas, qui n'est pas une ville située à très haute altitude. Et cela, après seulement 3 chansons, Lemmy et Motorhead ont commencé à jouer Metropolis et Lemmy a mis fin à la pièce en admettant public qu'il n'était plus capable. Il a dit « I can do it ». Lemmy, Pete Campbell et Mickey Dee sont donc sortis de scène et les lumières de la salle se sont rallumées, mais Lemmy est revenu peu de temps après pour s'excuser auprès du public dont la majorité étaient consternés, mais à travers lesquels on retrouvait aussi quelques chialeux. Je vous rappelle que Lemmy a 69 ans et qu'il a subi un hématome il y a 2 ans et qu'il a perdu beaucoup de poids depuis, il semble même très frêle. Certains médias ont rapporté que le chanteur bassiste avait de la difficulté à se tenir debout sur scène lors du concert que Motorhead ont donné à Los Angeles le 22 août dernier. Lui qui doit maintenant marcher avec une canne avant de prendre sa basse et de s'installer au micro. Hier, les gérants de Motorhead ont annoncé que les prochaines dates de la tournée en cours étaient annulées jusqu'à nouvel ordre, du moins disent-ils, jusqu'à ce que Lemmy ait complètement récupéré. Le spectacle que le groupe devait donner à Montréal dans 2 semaines est donc fortement compromis. Rappelons que le nouvel album de Motorhead est sorti vendredi dernier, Bad Magic, et je vais vous en parler en détail et en présenter quelques extraits un peu plus tard dans l'émission. C'était écrit dans le ciel. Oh oui. Et honnêtement, je crois pas qu'il va pouvoir s'en remettre. Ah, ben je non. Crois pas. Quand tu dis pas. Que maintenant, il se déplace avec une canne oui. En dehors de la scène. Oui. Écoute, une Rickenbacker, je sais ce que ça pèse. Mm-hmm. C'est pesant. Mm-hmm. Il a pas sa canne. Il est sur une scène de forts éclairages qui sont oui. Très chauds, mm-hmm. Dans des conditions généralement qui sont pas optimales. Ben, qui sont très difficiles. Très difficiles. Parce qu'au volume que le groupe joue, c'est là. C'est ce que j'allais dire. Il y a assez de décibels. C'est assez pour déséquilibrer quelqu'un. Ben, là. Écoute, on peut arriver trempé sur le stage puis sécher seulement avec les haut-parleurs, là. Donc, on s'entend que Lemmy a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Puis moi, je lui souhaite de pouvoir comprendre que c'est le temps de se reposer oui. Puis de nous laisser sur un bon souvenir. Oui. Parce que là, il a toujours dit toute sa vie qu'il voulait mourir sur scène. Oui, mais il là, s'arrange pour le faire. Là. Mais ben non, il dit « I can do it ». Oui, c'est vrai, alors, t'as raison. Là, ouais. Il s'est rendu compte que… Ouais. C'était peut-être pas ça. Là. Non, c'est ouais. Ça. C'est triste. Oui. D'un autre côté, ça va très bien pour le chanteur de Iron Maiden, Bruce Dickinson, qui a déclaré à la presse la semaine dernière qu'il est en pleine forme et qu'il est convaincu que le tout nouvel album que le groupe vient de sortir aujourd'hui même ne sera pas le dernier de la formation culte, car il a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer, il veut en faire d'autres. Le dynamique chanteur de 56 ans, qui a combattu un cancer de la langue plus tôt cette année, semble parfaitement remis, puisque le groupe planifie même une importante tournée de concerts en 2016 qui va les amener à jouer dans 35 pays sur 6 continents, parmi les Maiden vont jouer pour la première fois en Chine. Tout ça se fera avec un Boeing 747-400 Jumbo. Piloté par Bruce. Oui, qui sera piloté par le chanteur lui-même, tout comme il l'avait fait lors des tournées 2008, 2009, 2010. Le jet va embarquer plus de 12 tonnes d'équipement du groupe qui va faire plus de 88 500 km. L'album qui s'intitule The Book of Souls est leur 16e en carrière. C'est leur premier en 5 ans, soit depuis The Final Frontier de 2010. Et il s'agit de leur premier album studio double de leur histoire. Et je vais aussi vous le présenter un peu plus tard dans l'émission. Tu dis qu'il va faire les tournées dans plus de 35 pays. Mm-hmm. Il y a autant de pays que ça sur la Terre. Je l'ai dit, de plus en plus scéné. J'ai trouvé le docteur ce matin là, dans la salle de bain, ici, là, assis devant le lavabo, en train de parler dans le robinet. Il pensait qu'il était en train de faire l'émission. Mais tu m'avais dit que les studios vont changer d'endroit. Des rumeurs ont circulé cet été concernant une possible reformation de l'alignement classique de Guns N' Roses depuis l'annonce de la reprise de relations cordiales entre le chanteur Axl Rose et le légendaire guitariste Slash il y a quelque temps. Des rumeurs ont donc commencé à circuler concernant le retour du groupe lors du prestigieux festival Soundwave qui doit avoir lieu en 2016 en Australie. Toutefois, le promoteur de l'événement, A.G. Mada, est venu cette semaine mettre un terme aux espoirs des gens de revoir la formation originale de Guns N' Roses en précisant que, juste pour que les 5 membres du groupe puissent se retrouver dans le même local à jouer ensemble, ça nécessiterait 6 mois de tractation entre de nombreux avocats. Il y a une forte amitié qui règne entre le groupe. Hein? Lorsqu'on dit que le business prend le dessus sur l'art, là, c'est le cas. Là, Guns N' Roses. Incroyable. Mada conclut qu'il espère revoir les membres originaux un jour sur scène, mais que les perspectives s'avèrent difficiles. Il a même parlé de miracle, si ça se fait. Mais ce serait intéressant. Oui, ce serait cool. Ça serait cool parce que c'était une bonne formation. Oui. Si on met de côté l'attitude, principalement d'Axel, ça serait le fun. Oui. Mais si ça n'a pas marché la première fois, ça marchera peut-être pas la deuxième. Ben, il y a peut-être une... Écoute, laissons la chance de dire qu'il y a peut-être eu maturation des membres. Oui, c'est ça. Il était jeune. Il était très drogué. et Axl Rose avait de la misère à supporter ça. Ouais. Peut-être. Ben, je sais pas. Je trouve pas tellement professionnel, moi, personnellement. Il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout. Jeudi, Black Sabbath ont annoncé qu'ils entreprendront leur tournée de Dieu l'hiver prochain et que Montréal fera partie du périple. The End. Oui. En effet, Tony Iommi, Geezer Butler et Ozzy Osbourne ont annoncé les dates du Beginning of the End Tour qui va commencer à Omaha, au Nebraska, le 20 janvier 2016. Ils vont visiter 17 villes nord-américaines avant de se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande pour donner 7 concerts. Black Sabbath vont s'arrêter au Centre Bell de Montréal le 23 février. Auparavant, il y aura notamment 4 autres villes canadiennes sur le périple, soit Saskatoon le 28 janvier, Edmonton le 30, Calgary le 1er février et Vancouver le 3 février. D'autres dates seront annoncées le mois prochain. Ça me surprendrait là, qu'ils n'aillent pas à Toronto, mais ils ne l'ont pas annoncé encore. Ben, j'y serai. Ah oui? Oh, ah oui. Comme on s'y attendait, par contre, le batteur original du groupe, Bill Ward, qui est en froid avec Ozzy, lui, il sera pas là. Non. C'était ça. Ben, c'était clair. Par communiqué, le groupe a affirmé que ce sera réellement la fin de l'histoire qui se décrit. Le groupe se décrit comme un des groupes les plus légendaires de l'histoire du rock and roll. Ben, c'est pas faux. Ouais, ça fait un peu prétentieux. C'est prétentieux, mais c'est en même temps, c'est pas tellement faux. Mais les Rolling Stones ont aussi dit d'eux qu'ils étaient le plus grand groupe de rock and roll du monde. Ben, ils ont déjà dit qu'ils étaient plus populaires que Jésus aussi. Là. Non, ça c'était John Lennon. C'était John Lennon. Il y a eu une fin aussi atroce, faut dire. Les billets pour le concert du Centre Bell seront mis en vente vendredi prochain, le 11 septembre, dès 10h. Dans le domaine de l'insolite, et oui, le ridicule Kanye West a annoncé son intention de briguer la présidente des États-Unis en 2020, et des représentants de la Maison-Blanche ont semble-t-il déclaré qu'ils avaient déjà hâte de voir ce que le très peu modeste rappeur concoctera comme campagne électorale. Et très peu intelligent aussi. Oui, très peu intelligent. West a annoncé son intention de briller comme ça la présidence en acceptant le Michael Jackson Video Vanguard Award pendant le gala de MTV, le MTV Video Music Award dimanche dernier. Selon le quotidien La Presse, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a réagi à cette nouvelle en affirmant qu'il était curieux de découvrir le slogan que Kanye West adopterait pour sa campagne. Monsieur Unis a fait ce commentaire à bord d'Air Force One quand même l'avion présidentiel alors qu'il accompagnait le président Obama dans un voyage en Alaska. Oui, mais ça prouve que, tu sais, on peut dire, il a pris la peine de s'attarder à faire un commentaire, mais je pense que ça valait la peine qu'il s'attarde à faire le commentaire. C'est pas la première fois que Kanye West tarde de la politique. Par le passé, il a notamment critiqué George W. Bush, hein, et le gouvernement américain pour la manière dont ils avaient géré le chaos là, c'est quoi, généré par l'ouragan Katrina. Et M. West, et c'est ça qui est drôle, a aussi comparé la fascination exercée par sa femme Kim Kardashian sur le monde à l'intérêt du public pour la première dame Michelle Obama. Non, mais moi, ça me laisse l'impression. Kim Kardashian. Ben oui. Première dame des États-Unis. Ouais, ben, ça pourrait avoir l'utilité de servir de son arrière-train comme tablette pour les petits fours. Non, mais moi, ce que ça me fait penser, je me dis, coudonc, les États-Unis sont-ils en manque tant que ça d'avoir des candidats pour avoir juste des clowns présentement, là? Là, on parle, là. On parle en 2020, là. Mais non, mais quand même, là. On pourrait peut-être avoir Donald Trump, là, comme voisin, là, immédiat, puis ça, c'est ridicule, là. Ça me surprendrait, ça, par contre. Et finalement, un autre groupe anglais culte, Uriah Heep, ont annoncé que deux membres de l'incarnation classique du groupe, soit le claviériste et guitariste Ken Hensley et le batteur Lee Kerslake, feront une apparition sur scène lors du concert que le quintet doit donner à Moscou, le Moscow Circus, le 15 octobre prochain, au cours duquel ils planifient 2 heures de spectacle. Moi, je peux pas y aller parce que généralement, j'ai l'impression que je fais plus de visites au goulag d'autres choses quand j'y vais. Hensley et Kerslake rejoindront sur scène le guitariste et leader Mick Box, le chanteur Bernie Shaw, le claviériste Phil Anson, le bassiste Davey Rimmer et le percussionniste Russell Gilbrook, qui sont toujours aussi solides et constants dans leur production, eux qui font maintenant carrière de façon sans interruption depuis 45 ans. Leur dernier album, The Outsider, date de 2014 et il était très bon. Mm-hmm. Et c'est ce qui complète les actualités de cette semaine. Nous allons aller en musique avec justement Uriah Heep. T'as de la suite dans les idées. Avec un de leurs nombreux classiques, hein? Ouais. Stealin'. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule. Absolument la seule. Je ne sais pas ailleurs. Non, mais il n'y en a pas. C'est impossible. Nous sommes les seuls à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Oui. Assez fou. 89.1 FM. Yeah! Take me across the water, 'cause I need some place to hide. I done the ranch of Dota, and I show hurt his pride. Ooh, ooh, ah, ooh, ooh, ah. Well, there's 100 miles of desert lies between his heart and mind. I don't need my life. Should've been. J'annonce cette finale. Ouais. Uriah Heep avec Stealing. Ça nous vient de l'album Sweet Freedom de 1973. 11h34. Vous déjà? Êtes... Mais oui. Oh. Vous êtes à l'émission Rock Classique accompagnée de cet infâme Dr. Pendragon. Non. Et moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Non, c'est... t'es pas infâme, t'es épouvantable. Oui. Atroce. C'est en devenir. Nous en sommes maintenant venus à la chronique des groupes et des artistes obscurs. Obscurs. Cette semaine, je vous présente un groupe de hard rock progressif anglais du début des années 70 du nom de Quatermass. Il s'agit d'un trio composé du claviériste Pete Robinson, du bassiste-chanteur Johnny Gustafson et du batteur Mick Underwood qui faisait partie auparavant du groupe Episode 6, dans lequel faisait partie aussi le chanteur Ian Gillan et le bassiste Roger Glover qui ont quitté cette formation pour se joindre bien sûr à Deep Purple à la fin des années 60. C'est à ce moment-là que les musiciens restants de Episode 6 ont changé de nom pour prendre celui de Quatermass en 1960. Fortement influencé par le groupe The Nice de Keith Emerson et dans la même mouvance que des formations comme Egg ou Atomic Rooster avec une musique progressive assez musclée et dominée par Log Hammond, Quatermass ont intéressé l'étiquette de disque Harvest qui les a signés et pour qui ils ont enregistré un premier album homonyme la même année, un album qui est devenu un incontournable chez les amateurs de rock obscur des années 70. Question de vous donner une idée de ce que leur musique avait l'air, je vous propose d'aller écouter trois morceaux tirés de cet album homonyme de Quatermass paru en 1970. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule à diffuser du rock obscur. Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. Oui. We'll be right back. Obscur anglais des années 70. Quatermass, nous venons d'entendre le long morceau intitulé Up on the Ground. C'était précédé de l'excellente Gemini. Et au début du bloc, nous avons entendu la pièce la plus connue de Quatermass, soit Black Sheep of the Family. Malheureusement, malgré leur qualité musicale évidente, le disque n'a pas connu aucun succès et les membres de Quatermass se sont séparés un an après sa sortie, en 1971. Le bassiste Johnny Gustafson a fondé le groupe Bullet avec d'anciens membres de Atomic Rooster et que je vous ai déjà présenté, Bullet, l'année dernière dans une précédente chronique des groupes obscurs. Puis, il est devenu musicien de studio et il a travaillé entre autres pour Kevin Ayers, Steve Hackett et Ian Hunter, alors que le claviériste Pete Robinson a fondé le groupe de jazz progressif Brand X, dont Phil Collins a fait partie. La chanson Black Sheep of the Family est à l'origine de la création du groupe Rainbow, puisque le guitariste de Deep Purple, Ritchie Blackmore, tenait mordicus à l'enregistrer, mais les autres membres de Purple refusaient, ce qui fait qu'il a quitté le quintet pour fonder son propre groupe Rainbow, qu'il a enregistré et que l'on retrouve sur une version de Black Sheep of the Family sur leur premier homonyme paru en 1975. En 1994, le batteur Mick Underwood a fondé une nouvelle incarnation de Quatermass, hein, qu'il a appelé Quatermass 2, hein, wow, très original, en compagnie du bassiste original de Deep Purple, Nick Semper, et Don Airey, l'actuel claviériste de Deep Purple. Ils ont sorti un album intitulé Long Road qui est paru en 1997. Voilà. C'était très bon. Oui, c'était bon. Hein? Oui, je ne sais pas si leur nom vient de l'inspiration du film de 55, Quartermass Experiment, ouais, ouais. qui est un film de la Hammer. Oui, c'est ce que j'ai pensé, mais j'ai pas vu d'informations non. par rapport à ça. C'est quand même assez limité l'information qu'on retrouve disponible sur Quartermass. Hein, ça reste un groupe obscur. Ben oui, voilà. Vendredi prochain, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, celui-là scandinave. Ben lui, il est vraiment très obscur. Je vous présente le groupe Pantarei. Oh, ben là, je connais pas du tout. Avec une des pochettes les plus étranges que j'ai vues de ma vie, ah sérieusement. Oui. C'est belle ou dérangeante? Dérangeante et d'assez mauvais goût. Ah oui, d'accord. Je suis curieux de voir ça. Épeurante. C'est donc un rendez-vous. 11h55, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de cet immonde Dr. Pendragon. Tel un tas de déchets. Et moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à ce segment de l'émission que nous avons tout simplement appelé « Ça passe ou ça casse ». Segment au cours duquel nous écoutons une pièce d'un artiste ou d'un groupe qui a déjà fait un certain tabac. Hein. On l'examine avec le recul, on détermine si ça a passé le test du temps. C'est simple, non? Tu m'en rappelais plus. Ouais, c'est ça, tu l'avais oublié. Hein. Ça fait trop longtemps. Ça fait 5 semaines que tu n'as pas fait de radio. Ben, que j'ai pas fait de radio avec toi, oui, mais que j'ai pas fait de radio dans l'ensemble, ça va faire 4 mois. J'ai arrêté les réanimations le 19 mai. Oui. Ben, ça fait quand même... C'est pas comme aller en bicycle, ça, là. Non, vraiment. Je me rappelais même pas qu'est-ce que je devais faire. Puis c'était quoi le truc qu'il y avait devant moi jusqu'à toi, tu me dises, c'était un microphone. Ben oui, c'est pour ça que tu parlais dans le robinet. Et voilà, tout à fait. Cette semaine, nous vous proposons un morceau d'un groupe qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 70 et au début des années 80. Un groupe immense là, à l'époque, soit Styx. Hein? Mm-hmm. Le docteur a choisi une pièce tirée de leur 5e album, paru en 75, Equinox, soit Light Up, qui ouvre le disque. Oui. Qui aurait cru qu'on entendrait Light Up un jour avec les Styx? Pas moi, en tout cas. Est-ce que ça a passé le test du temps? C'est ce qu'on va déterminer tout de suite. On l'écoute attentivement, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes assez fous, hein? Il y a juste nous qui sommes assez fous. Vous êtes pas mal fous, oui. Sweet sounds. Wow! Je suis pas sûr qu'il y a encore des auditeurs, le docteur. Ou peut-être qu'on a tiré des jeunes au GFM. Voilà! C'était Styx avec Light Up, la pièce qui ouvre l'album Equinox de 1975. Verdict, docteur? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, t'es-tu fou, toi? Écoute. Sois objectif, là. Oui, oui, je suis toujours objectif. Bon. Je dois avouer, comme tu l'as dit, c'est mon choix. Oui. Cette semaine, c'était mon choix. Oui. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, premièrement, il y avait des années que je ne l'avais pas écouté. J'avais une... Je ne l'ai pas écouté avant là, là. On s'entend, là, j'ai simplement programmé. Là, moi, ça, non là. Plus. Bon. Moi non plus. OK, oui. Parfait. J'avais une idée sommaire de la pièce. Qui, de mémoire, et comme je viens de te dire hors onde, qui me faisait penser un peu une pièce pour une fête d'enfants. Oui, avec un magicien. Oui, ben c'est ça, tu sais, puis des mascottes, puis toutes sortes de choses, des belles farandoles, et ainsi de suite. Là, bon. Préférablement une fête qui se passe à l'extérieur. Bon. Oui, oui. Je dois te dire que le début, musicalement, je trouve intéressant. Il y a une connotation progressive que je trouve intéressante. C'est bien spatial, fait. Oui, c'est ça. Par contre, lorsque Dennis DeYoung se met à chanter, ça devient totalement ridicule. Ben c'est ça, c'est une composition de Dennis DeYoung. Et Dennis DeYoung, c'est peut-être l'homme le plus quétaine de l'univers. Hein? Ben en fait, il fait partie du club très sélect des quétaineries de l'univers, j'en suis oui, certain. Oui, oui, on n'est pas loin de Richard Klederman. Là. Et peut-être de Yanni aussi. Bon, ceci étant dit, définitivement, cette pièce-là ne passe pas, à ce qui me concerne, le test du temps. Hey, le texte c'est incroyable. Ben, oui. You are here and so am I. Bon, hein, les ravages de la drogue, que veux-tu? Ça ne passe pas le test du temps, que ce soit, je dirais, musicalement, au niveau des paroles, au niveau des arrangements, de l'enveloppe de la pièce. Pour moi, ça ne passe pas le test du temps. Je peux pas dire, par contre, honnêtement, que c'est une pièce qui est de façon fracassante, négative à ce niveau-là, mais c'est pas bon. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon, c'est très quétaine. Je ne peux malheureusement que me rattacher à l'introduction de la pièce pour dire qu'il y a un positif là-dedans. Ben, c'était jamais passé avant avec Tessic que ça passerait plus jamais. Absolument. Ben, je t'en donne ma parole. C'est épouvantable. Mais on va essayer d'autres pièces de Styx. Ben, écoute, c'est drôle. Oui, c'est très drôle. C'est drôle parce que... Parce qu'il me semble que c'est pas la pire. Non, sûrement pas. Mais ce qui est intéressant à la fois, c'est que je suis certain que ni toi, ni moi, écoutons du Styx. Non, jamais. Et... Pour nous, si on le choisit, c'est une façon qui est avec un souvenir très effacé. Oui. Donc, on le fait de façon, je dirais, légale. Là. Candide. Candide disons. Aussi. C'était pas framé, là. Non. Midi 4, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de ce plaisant, ce moment, Dr. Pendragon. Ben, c'était le moment de l'émission où je vais l'être. C'est fini. Et moi-même, Alain Lefebvre, aujourd'hui, on a une émission vraiment très éclatée, très éclectique, mais on aura plusieurs nouveautés plus tard dans l'émission. Mais là, on va y aller avec plein de classiques et on va y aller avec des choix du doc. Non, les tiens. T'as juste un choix dans ce bloc-là. Ouais, ben en fait, c'est un bloc communautaire, si on veut. Ouais. Ton choix, c'est quoi? The Who! Ouais. Mais avant ça, on va entendre un classique de Robert Charlebois et tout de suite... Formation de Montréal qui a connu un immense succès au début des années 70. Marsh McCann avec cette pièce. As the years go by, vous êtes là où il y a du vrai, de vrai rock et nous sommes les seuls assez fous à le faire. Absolument. Et peut-être même mondialement. Au Québec, en tout cas. De cette façon. Love to you. And as the years go by, des lunes en épi doucement, et l'engoulevent replié doucement, qui ne fait plus son tannant, avec l'aile doucement repliée, sans testament, et se mirant dans l'or des lunes de mon épi, tout bruyant du son de l'engoulevent. Hip, hip, hip, wow! Avec l'aile doucement repliée, sans testament, et se mirant dans l'or des lunes de mon épi, tout brillant du sang de l'engoulevent. No, no, no, no, no, no. Pour en entendre parler, pour en discuter et pour partager la passion du sport automobile, pour un angle différent des voitures routières au Québec, écoutez En Piste avec Tania Baudin tous les lundis 16h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Le 9 septembre prochain aura lieu le spectacle de la rentrée de l'AGE UQTR présenté par C'est Fou. Dès 19h, vous pourrez voir sur la scène Vidéotron Mobile Galaxy. Corias et ses invités, Karim Ouellet, Mister Valère et Lord Larry Adjust. Et pour finir la soirée, Loco Locas. Gratuit pour les étudiants de l'UQTR. 10$ pour les diplômés de l'UQTR. 30$ pour le reste de la population. Billets en vente sur lepointdevente.com. Comme quelques clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. C'est fou, 89.1 FM. FM. Crawling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Power is the spider. Power is the spider. Now he's dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Where is the spider? Where is the spider? Je suis pas capable de descendre aussi bas que Jonathan Whistle. C'est incroyable. Oh non? Spider. C'est pas si mal. Non, ouais, mais je la chanterai peut-être pas. Ben, en tout cas, ça serait pas bon pour toi. Boris the Spider, c'est de où, bien sûr? Il s'est tiré du deuxième album, A Quick One, qui est paru en 1966. Merci de penser à moi. Juste avant ça, on a entendu un classique du rock québécois, hein, Engagement, de Robert Charlebois. C'est tiré de l'album Lindbergh, sans le H, hein, parce qu'il l'avait fumé à l'époque en 1968. Probablement, oui. Charlebois qui a participé à un festival assez particulier à l'été 1970. C'est le Festival Express, c'est un festival itinérant. Ambulant, disons. Oui, ambulant, Puisque c'est tous les groupes qui y ont participé étaient dans un train et s'arrêtaient à différentes villes au Canada, s'en allaient vers l'ouest. Et parmi ces groupes, il y avait le Grateful Dead, il y avait Janis Joplin, The Band, Delaney and Bonnie et Mash McCann, qu'on a entendu justement, juste avant ça, avec As the Years Go By, leur immense classique de l'été 1970. C'est un festival de prestige quand même. Oui. Ça vient de leur premier album qui, justement, alors que le groupe traversait le Canada avec le Festival Express, cette pièce-là devenait de plus en plus populaire. Alors, ils étaient comme au sommet, au pinacle de leur carrière. Midi 21, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de ce rayonnant Dr. Pendragon. Je n'étais plus capable d'arrêter. Il va bien aller le faire. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un bloc hard rock. Communautaire. Oui, communautaire, parce que tu as choisi une pièce d'ACDC. Oui. Tu as choisi une pièce de Van Halen? Oui. Et j'ai choisi une pièce d'Aerosmith? Same old song and dance. Oui. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite. Bien sûr. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est bon. Ouais. street with your old hurdy-gurdy. No one to meet in love. Ain't the same on the south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. It's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old story, same old song and dance. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Down to tell you now, they come to my door, they don't let you pass. Down barely one, gonna buy your ass. Yeah, they won't let you pass. Why? AC/DC. C'est indubitable. Oui. Nom qui a été tiré d'ailleurs à l'inspiration d'une machine à coudre, hein, semble-t-il. Il me semble que c'est ça, ouais, oui. Machine à coudre de sa sœur. Je ne sais pas de qui, là, de la famille, là, oh, mais ici, d'ici, par Tonight with Curran, Derek Curran, puis il trouvait que c'était rock. Oui. Oui. Oui, oui. Ben, ça faisait électrique. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, semble-t-il qu'ils ont donné un très bon spectacle lorsqu'ils sont venus ici au les commentaires que j'ai eus, là, autant au Stade Olympique par rapport à Québec. À Québec. Ouais. Semble-t-il que moi, ça m'a surpris parce que le Stade Olympique, c'est un endroit horrible, là. Ben oui, puis je me suis dit, moi, quelque part, le son, comment qu'ils l'ont traité. Puis autant en plein air, des fois, c'est dur d'arriver à quelque chose. Mais semble-t-il que c'était vraiment bien. Oui. Bon. On a entendu High Voltage. Ben oui. Tout à fait. Donc, c'était High Voltage, c'est la pièce titre de cet album qui est paru en 76, mais la version américaine, bien sûr. Hein? Ben, internationale. Internationale, effectivement. Tout à fait. Justement, nous avions tes choix, mon cher Rockmaster. Van Halen avec The Full Bug. Ça, ça vient de l'album Diver Down de 1982. Mm-hmm. Et au début du bloc, nous avons entendu un autre choix du doc. Aerosmith et Same Old Song and Dance, qui est tiré de l'album Get Your Wings de 74. Oui, leur excellent disque. Mm-hmm. Deuxième album. Midi 34, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de ce gracieux Dr. Pendragon. Gracieux, mais pourquoi dis-tu cela, ben, gracieux? C'est un beau bronzage, là. C'est une calcination qui me va bien, tu veux dire. Oui, ben c'est cuivré, calciné, là. Oui. Mais d'ailleurs, ça, c'est pas bien, faut pas que je bouge beaucoup parce qu'il y a des morceaux qui tombent. Oui, il y a toujours une fumée. Vous dites, monseigneur? De la fumée qui sort comme ça de la tête du docteur. Oui, je pense beaucoup, hein. Non, tu m'as ramené ça, toi, encore, le j'ai bien aimé ça. Docteur, c'est ton bloc, là. Oui, tout à fait, dans lequel c'est on va. C'est un bloc 100% doc. C'est un bloc 100% doc, ça va être probablement 100% bizarre aussi. C'est juste court dans ce bloc Cactus, mais tout de suite, allons avec Mountain Never in My Life. Vous êtes là où il y a du vrai rock. Ok, oui. Il n'y en a pas ailleurs. Jamais. Du vrai rock, il n'y en a pas ailleurs. Nulle part. Juste ici. Ici. Ah, c'est fou. Le 89.fr. Yeah! Yeah. let the man tell it. Thank you. Ils l'ont pas fait! Mais ouais, pourquoi ça finit comme ça? Ben, là, c'est une gang de clowns. Ben oui, vraiment. Et la pochette est ridicule, cet album. Oui, ben heureusement, le contenu l'est un peu moins. On ne sait pas trop ce qu'ils font là. C'est quoi? Ils attendent dans un garage? Ouais, probablement c'était lors d'une tournée. On les transportait dans un garage puis attendaient d'arriver à destination. Je sais pas, là. Vraiment très, très bizarre comme pochette. Oui, c'était donc Statusco et la pièce Little Lady, qui ont une pièce qu'on retrouve sur l'album On the Level de 1975. Auparavant, nous avions Cactus et l'excellente pièce Rock'n'Roll Children. C'est tiré de One Way or Another. Pardon, de 71, on ouvre avec Mountain Never in My Life, The Climbing de 1970. C'est leur premier album. Oui. Et c'est probablement leur meilleur. C'est leur meilleur. Je crois que Nantucket Sleigh Ride aussi. Il est très bon, mais celui-là, il est plus. Il est meilleur. Oui, c'est ça. Midi 48, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de ce très dérangé Dr. Pendragon. Quoi? Oui, et moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Ben, t'es pas sérieux, toi. Oh, c'est le but. Oui, exactement. OK. Là, on va y aller avec un des blocs les plus étranges, sérieusement, que nous ayons jamais concocté. Oui, sérieux, très... je regarde ce bloc-là, là, j'ai jamais vu quelque chose de bizarre comme ça. En fait, il y en est presque gênant. C'est un bloc communautaire. Oui, tout à fait. Dans lequel on va retrouver un artiste tel Tom Petty. Oui, exactement. On va retrouver un choix du Rockmaster. Oui, le Steve Miller Band. Mais tout de suite, et c'est ça, on passe pas ça souvent, hein? Ben, c'est peut-être la deuxième à ma connaissance. La deuxième fois, oui. Il s'agit du groupe Funk, Funkadelic. Oui. Et la pièce Super Stupid. Allez-y. Oui. Go. Et ça, c'est tiré d'un de leurs albums. Maggot Brain. Ouais, les plus marquants, je dirais. Oui. Hein? Oui. On va s'en reparler après le bloc. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. Et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du funk aussi. Ben, toutes sortes de choses. Oui. Oui. On est capotés. Nous sommes uniques, voyons. Vous êtes assez fous, vous aussi. Down to me. sun beat down. I had the radio on. I was driving. Trees went by. Me and Del were singing. Little runaway. I was flying. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. So good, like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. I grew dark. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. Et la pièce Running Down a Dream, qui est tirée de l'album Full Moon Fever de 1989. Qui l'a enregistré sans les Heartbreakers, hein? Oui. C'est un album solo, ça. Oui. En fait, c'est son premier album solo. Ah, je ne savais pas. Il me semble. Ça se peut. Oui. On vérifiera dans les mois subséquents. Juste avant ça, on a entendu le Steamer Band avec Living in the USA. Ça vient de l'album Sailor. Oui. De 1968. Ah, coquin! Pourquoi je dis ça? Aucune idée. Et on a ouvert avec Funkadelic et la pièce Super Stupid. Oh, on en connaît quelques-uns comme ça, hein? Oui, beaucoup, en fait. En fait, ce serait moins long de nommer ceux qu'on ne considère pas comme ça. Ah, docteur, t'es épouvantable. Hein? Ah oui, je sais, je suis un être tout à fait adorable. C'est une série de Maggot Brain de 1971. Pourquoi est-ce que Funkadelic, j'ai décidé de passer ça parce que... Ben, parce que c'est très bon. Effectivement, c'est un bon album, je trouve. La pièce et est ça se rattache au rock. Oui, tout à fait. Qui initialement portait le nom de Parliament. Ouais. Qui donnait un peu dans le do wop, si on veut. Ils ont demandé s'ils sont appelés Parliament Funkadelic aussi. Oui. Mais c'est une raison d'ordre légal qui a fait qu'avec une entente du précédent label qu'ils avaient, je crois, là, qui ont dû choisir aller vers un autre nom, qui est Funkadelic, que je trouve parfaitement adapté à ce qu'ils font. Oui, absolument. Oui. Puis la pochette qui est de Maggot Brain, c'est une pochette que je trouve très drôle. Très étrange. Oui, effectivement, on voit la tête d'une dame enterrée jusqu'au cou qui semble ne pas être dans une position très confortable. Non, et elle a l'air de souffrir beaucoup. Oui. Donc, ça nous a fait plaisir. Donc, à la semaine prochaine. Oui. Ce fut vraiment, sans qu'on... Écoute, un des plus bizarres blocs qu'on ait jamais conçus. Ben, probablement, mais ça reflète aussi un peu notre état d'esprit. Ah, tout à fait. Il est 13h02, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de ce charmant, mais souvent fourbe, de Top and Dragon. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant venus au segment de l'émission où nous vous proposons, comme à chaque semaine, une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous en présente non pas seulement un, mais bien deux. Ah ben, elle te l'a, toi là. Oui, tout à l'heure, pas mal plus loin dans l'émission, je vais vous présenter le disque Ghost Reveries de Opeth, qui est paru il y a exactement 10 ans, le 29 août 2005, mais tout de suite... je vous présente un des albums les plus importants de l'histoire dans le développement, l'émancipation du rock, un disque paru il y a exactement 50 ans, le 30 août 1965, l'immense Highway 61 Revisited de Bob Dylan, disque fantastique. Vas-y. Bob Dylan. Disque fantastique avec lequel Dylan a changé le cours de l'histoire en électrifiant son folk et en contribuant grandement à rendre le rock intelligent, plus mature. Dylan avec Highway 61 Revisited a choqué les puristes de folk en électrifiant comme ça sa musique, mais il a eu un impact remarquable sur les Beatles, entre autres, en les poussant à peaufiner leurs textes, à adopter des sujets plus cérébraux, je dirais, que ceux dont le rock and roll primitif traitait jusqu'à ce moment-là. Le titre Highway 61 Revisited fait référence à une route américaine importante qui reliait la ville natale de Dylan, soit Duluth, au Minnesota, à des villes importantes du sud qui traversaient entre autres Saint-Louis, Memphis, la Nouvelle-Orléans, et cetera jusqu'au delta du Mississippi. Pour enregistrer ce petit chef-d'œuvre, Dylan a eu recours au guitariste virtuose du Paul Butterfield Blues Band, Mike Bloomfield, et au musicien hors pair Al Cooper, qui joue de l'orgue sur le classique Like a Rolling Stone, qui a connu un succès monstrueux à la fin de l'été 1965. Aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter la face 1 de ce classique Highway 61 Revisited, le sixième album de Bob Dylan. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Absolument. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. No

Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right. C'est dans la dimension rock classique. Well, I ride on a mail train, babe. Can't buy a thrill. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill, and if I don't make it, you know my baby will. Don't the moon look good, mama? Shining through the trees. Don't a brakeman look good, mama? Flagging down the double E. Don't the sun look good going down over the sea? But don't my gal look fine when she's coming after me? Time is coming, the windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I could not get across. Well, I wanna be your lover, baby, I don't wanna be your boss. Train gets lost. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. I got this graveyard woman, you know she keeps my kids. But my soulful mama, you know she keeps me here. She's a junkyard angel and she always gives me bread.

into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? C'était Bob Dylan, bien sûr. Ouais, c'était pas mal plate, ça, Alain. Ah, docteur! Ben non! Nous venons d'entendre au complet la face 1 de son album Vinyl Classic, Highway 61 Revisited, qui est paru il y a 50 ans exactement, le 30 août 1965. Nous venons d'entendre la pièce titre atmosphérique... la pièce titre, qu'est-ce que je raconte là? La pièce atmosphérique Ballad of a Thin Man, au titre vitriolique, je dirais. c'était précédé de From Buick Six, qui est une espèce d'hommage à quelconque gangster... fictif probablement. Pas dire. C'était précédé de It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, qui rend hommage au blues traditionnel en citant quelques vers comme ça de classiques du genre. Et juste avant, on a entendu Tombstone Blues, qui jette un regard surréaliste comme ça au Far West mythique. Et au début de cette façade, nous avons écouté l'immense classique Like a Rolling Stone, qui ouvre le disque en force et qui est probablement la pièce la plus importante de toute la carrière de Bob Dylan. Comme je l'ai mentionné auparavant, Highway 61 Revisited. Wow. Highway 61 Revisited. Tellement mal. Ouais, a marqué les débuts de l'émancipation du rock et un premier pas vers la maturité du genre, en plus de marquer profondément le mouvement folk aux grand dam des puristes qui ont vu ce disque et le virage électrique de Dylan comme une hérésie. Lui-même, Dylan, avait été fortement marqué quelques mois plus tôt par sa découverte des Beatles et par les Byrds, qui avaient repris une de ses chansons et en avaient fait une version électrique, soit Mr. Tambourine Man, qui a marqué aussi l'été 1965. Voilà. Faut que je me confesse de quelque chose. Oui, vas-y. On a toujours l'impression que je ridiculise un peu Dylan en disant Bob Dylan. Oui, bon, oui, mais bon, c'est parce que... Mais c'est parce qu'il y a une voix de Pierre de Canard. Oui, mais il parle comme ça. Oui, oui, effectivement. J'ai toujours été un peu, je dirais... Rebuté? Ben, rebuté... Ça serait exagéré. Non, mais c'est presque par Dylan. Mais la dernière année, j'ai commencé à trouver des choses intéressantes qu'il faisait. Ouais. Je peux pas dire que je trouve que c'est un grand chanteur. Là, ah ben non, c'est une voix horrible. Mais il y a de bonnes idées musicales. C'est un chanteur compétent parce qu'il est pas faux. Il y a un timbre de voix qui est un peu nasillarde. Oui, mais il y a un phrasing assez intéressant. Ouais, mais tout ça pour dire que finalement, je trouve que Bob Dylan est un bon artiste. Oui. Oui. Un des grands du 20e siècle. Tout à fait, absolument. Ouais. Aux États-Unis. Bon, ben à ça, j'ai fait mon mea culpa. Est-ce que je peux avoir une récompense? On verra cela. D'accord. Je l'aurai jamais. À la fin de l'émission. Mm-hmm. Voilà. Plus tard, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album Vinyl Classic dans un style tout à fait différent, puisqu'il s'agit du disque Ghost Reveries de Opeth. Mm-hmm. Enfin, qui a 60 ans aujourd'hui même. 10 ans. Oh. 13h33. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de cet élégant aujourd'hui, Dr. Pendragon. Oui, c'est vrai. Mon gilet me cavasse un peu, là. Je me sais à merveille. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on va y aller avec un bloc doc, n'est-ce pas? C'est 100% doc, ça? Hein? Ouais, ça, c'est 100% doc, tu l'as dit, dans lequel on va entendre Buffalo de James Gang, mais tout de suite, allons-y avec l'excellente formation Grand Funk Railroad et la pièce Walk Like Man. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock. Je sais pas ailleurs, nous sommes des parias! Effectivement! Et on aime ça! On est très fiers de l'être! Yes! Talk like a man. Walk c'est dans la dimension rock classique.

Buffalo! Et la pièce Dune Messiah, c'est tiré de l'album Only Want You For Your Body. Et tu auras compris que je m'adressais pas à toi, évidemment, là. Ben, j'espère. Moi aussi. Bien sûr, je préfère le clarifier dès le départ. Hein. De 1974, nous avions le James Gang et la pièce Woman, c'est tiré de James Gang Rise Again de 70. Et nous avons ouvert avec Grand Funk Railroad, l'excellente pièce Walk Like a Man, c'est tiré du très bon album et un de leurs fleurons, We're an American Band de 73. 13h49, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de ce subtil mais souvent inextricable Dr. Pendragon. Comme vous dites, mon ami. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on va y aller avec un bloc, c'est un de mes blocs et c'est 100% moi. Ben oui. Un bloc plate, là. C'est pas gentil, ça, pour Jimi Hendrix. J'en conviens allègrement. Ben, c'était plus pour toi, je voulais pas être gentil que pour les artistes. Blago Garganza. Qui? Blago Garganza. Ah. Mais tout de suite, on écoute Led Zeppelin. Ah, je les connais, ça. Nobody's fault but mine. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. Et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Il n'y en a pas d'autres. Non. Cherchez même pas. Non. Il y a juste nous. Oui. C'est fou pour le faire. Yow! Rock Classique 89 ans. So I bought my lid. Even messing with my children. And you're screaming at my wife. Get off of my bed. If you wanna get out of here alive. Freedom. That's what I want now. Freedom. That's what I need now. Drugstore man, well I don't need it now. I'm just trying to slap it out of her hand. Jimi Hendrix, Freedom, c'est la pièce qui ouvre leur album The Cry of Love, leur album, son album, post-mortem, posthume, The Cry of Love de 1971. Et juste avant ça, on a entendu Black Hook Agenza avec Fighting Cock. Yeah. C'est une pièce qu'on retrouve sur leur album X-Rated, un album sous-estimé par 1975. Mm-hmm. Et au début du bloc, nous avons entendu Led Zeppelin, n'est-ce pas? Oui. Avec Nobody's Fault But Mine, qui nous vient de l'album Presents de 1976, qui vient de faire l'objet d'une très belle réédition à la fin du mois de juillet. Tu m'enlèves les mots du nez. 14 ans, toi, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de ce très cindlé, dérangé, épouvantable Dr. Pendragon. Non, je ne dois pas être si pire que ça, Alain. Ben, t'es ravissant, on va dire, avec ton beau teint brûlé, comme oui, ça, le calciné. Et je suis propre. Oui, et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un autre bloc. Un bloc rock master. Oui, un bloc rock master, puisque je l'ai conçu à 100%, et c'est un bloc Southern Rock. Oui. Dans un moment, on va entendre Lynyrd Skynyrd, The Marshall Tucker Band, mais tout de suite, on écoute un immense classique du Allman Brothers Band, Statesboro Blues. Vous êtes là où il y a du vrai rock. C'est fou. Capricorn recording artist, the Marshall Tucker Band. Thank you. Yeah. We're going to do a song, Keep the Place Shaking, with a song called Rambling on My Mind. I got rambling on my mind. with my lady, come for me. Oh, with my lady, come for me. Need some money to pay the bill. I just tell her this simple way. Mr. Deathgrave!